maman pleure, nous pécans, c'est rien. Bon jour, j'amour, n'aï ne can, bon terre, bon ne connant, n'aï bike ni you hai. Love.